Hey yo, empty ball, the wrongs again, put in the massive DJ. Hey yo, hey, Babylon, Babylon, test, hey, the man. Ça, c'est du Don Dibonnet, reggae, hip-hop. Mais qu'est-ce que tu connais à part ta pop? Est juste l'idée d'être philanthrope? Ou est-ce que tu es simplement myope? Et l'intérêt d'aimer son prochain, tu gardes mieux les biens que les tiens. Si. Certains pour la maille ne mangent rien, tacticien de l'aspect et de l'emprunt. Carte de crédit, tu les as par milliers comme un bandit. Dans les banques, tu es fiché, un affranchi, mais qui n'est pas armé, un mode de vie. Aujourd'hui rationné, et c'est trop dur pour moi de penser que le matérialisme a pu te faire échouer, que pour l'image a pu t'endetter. Babylone, Babylone, Babylone. Que du rock, c'est bien mieux que la pop. Nouvelle antidote, tu peux oublier tout. Trop de dope, soit tu fais dans ton froc, soit tu tombes au sacoche. Don Dibonnet n'est pas là pour t'ouvrir les yeux, se concentrer, lever la tête vers les cieux, confronter la vérité sans être anxieux, affronter les problèmes pour ne plus vivre soucieux. C'est bon ya, car à tout faire ensemble, oublions les craries du genre qui se ressentent à sang. C'est bon ya, car laisser ceux qui tremblent et du con, nous moulons pour plus jamais que lors de camp. Mais Babylone ne va pas te faciliter. Mais Babylone, pour toi ne va rien régler. Mais Babylone est juste là pour ponctionner le sang des hommes. Babylone, Babylone, nous isole, nous ignore. C'est pas pour passer sur ces radios de rock. C'est posé, c'est testé, certifié, c'est ma shop. Que du bon, que du lourd, pas de bruit, pas de top. Don Dibonnet, ne le fais pas pour la maille. Rien à foutre des trophées, des lovés, des médailles. Je ne veux pas être considéré comme du bétail. VDF, zup, pas VDF, zou, y'a pas gare. Aujourd'hui, on fout des disques d'or authentiques. Ça s'inscrit dans un schéma de vente académique. Ça décrit la mafia, les systèmes narcotiques. Ça détruit toute notre philosophie politique. A trop crié fort, trop de faux trucs. C'est nos âmes, nos religions, nos cultures que l'on troque. Aujourd'hui, on n'éduque plus, mais on se croque.